Ce samedi soir, elle revenait de son usine, les bras chargés de billets bleus bien mérités. Sous les regards concupiscents de ses copines, le cœur joyeux vers son foyer, elle se hâtait. En la voyant, sa maman fut bien satisfaite. Elle lui dit, prenant son air des jours de fête, mets un chapeau, lave-toi les mains, faisons toilette. Ce soir, ma fille, nous allons bien nous amuser. J'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, allons au ciné. Ma du quartier, ça serait folie de faire les frais d'une entrée, mais nous verrons la sortie. Youpi, youpi, c'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si triste. Oh oh oh, si triste. Oh oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Cette semaine, y a pas eu d'heure supplémentaire, a dit le comptable en lui faisant son relevé. Parbleu, elle a passé du temps près de sa mère, malade après la limonade, comme vous savez. C'est samedi, elle est rentrée, l'humeur maussade, puis lasse de donner ses soins à la malade. Elle lui a dit, je vais chercher de la pommade. Mais le seuil franchi, insoucieuse, elle a chanté. J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, moi j'en ai marre. Je vais à la foire, puisque ma mère est toujours alitée. Pourquoi pas en profiter? Youpi, youpi, la voilà donc sur un cochon qui tourne en rond. Quelle joie de vivre, lénive. Y'a Albert qui est derrière, qui la serre et elle le laisse faire. Ouais. Cette semaine, y'a pas eu de paye, sa mère est morte. Depuis mardi qu'elle lui a fermé les yeux. De leur logis, seul Albert a franchi la porte pour la remonter et pour lui présenter ses vœux. À son usine, on a mis une intérimaire pour lui laisser tout le loisir d'enterrer mère. Et à Albert qui l'accompagne au cimetière, quand le corbillard passe près de la gare, elle déclare: j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit grain de fantaisie. Youpi, youpi, à 16h16, y'a un express pour Saint-Tropez. Faut qu'on se presse, j'ai du pèse, dis ça pour te mettre à l'aise. Youpi, youpi, les voilà donc partis tous deux pour d'autres cieux. Ah, quelle fille maman, ah, quelle fille maman. Puis vient le bel Armand, puis encore d'autres amants, puis un contrat au Soudan, flan.